Bonjour, ici Valérie Levé et François Grégoire. Vous écoutez Futur Simple, édition du 10 mars 2016. Bienvenue à Futur Simple, votre magazine de culture scientifique sur les ondes de CKRL au 89.1. Et ce soir, nous vous proposons une émission spéciale, une rencontre entre deux scientifiques, un astrophysicien et un biologiste. A priori, par leur champ de recherche, ils n'ont pas vraiment de raison de se croiser, à part peut-être à la cafétéria de leur université. Les biologistes travaillent avec les biologistes, les astrophysiciens avec les astrophysiciens. Entre biologistes et astrophysiciens, il n'y a point de rencontre, à moins, François, de leur trouver un point de rencontre pour que leur chemin se croise. Oui, Valérie. Alors, et ce point de rencontre entre la biologie et l'astrophysique, il existe. C'est l'exobiologie ou l'étude de la vie dans l'univers. Et c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Sommes-nous seuls dans l'univers? Si la vie existe ailleurs, à quoi peut-elle ressembler? Y a-t-il des conditions propices à la vie, même primitive, sur Mars ou sur des satellites de Jupiter ou de Saturne? Y a-t-il, au-delà de notre système solaire, des planètes habitables? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Et pour répondre à ces questions, nous allons croiser les points de vue de l'astrophysicien Jean-René Roy, qui est professeur associé à l'Université Laval, et du biologiste Cyril Barrette, professeur émérite à l'Université Laval. Une rencontre captivante sur CKRL au 89.1. Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et c'est donc parti pour une heure d'émission sur le thème de la vie dans l'univers. Alors comme Futur Simple est une émission de culture scientifique, on veut donner à cette discussion un cadre scientifique. Mais comment on fait pour parler scientifiquement de la vie dans l'univers quand on n'a absolument aucune idée de savoir si elle existe et à quoi elle peut exister, à quoi elle peut ressembler? Alors pour en parler, peut-être d'emblée, peut-être qu'il faut faire l'hypothèse que la vie existe dans l'univers. On peut partir de cette hypothèse là? Jean-René, Cyril, qui se lance en premier? Bon, la vie existe sûrement dans l'univers parce qu'on fait partie de l'univers. La Terre est extraterrestre, entre guillemets. Donc, la vie existe dans l'univers. On en est absolument sûr. Mais ailleurs? Pour ce qui est de savoir si elle existe ailleurs, je pense que c'est mieux de faire l'hypothèse qu'elle existe si on a plus de chances d'en trouver, si on en cherche. Mm-hmm. Il n'y a aucune raison de penser que la Terre serait exceptionnelle au point qu'il y aurait de la vie seulement sur Terre et nulle part ailleurs dans l'univers. Mais dans ce cas-là, comment on fait pour étudier quelque chose qu'on n'a pas sous les yeux? C'est ce qui fait que l'astrobiologie ou l'exobiologie est un peu particulière. C'est peut-être une des seules disciplines scientifiques qui n'a rien à étudier. Donc, on n'a rien en main. Normalement, le scientifique attend d'avoir des choses concrètes à mesurer, sur lesquelles faire des expériences. Mais donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est chercher de la vie ailleurs par la pensée, les méthodes, les instruments scientifiques. Et c'est la meilleure façon de procéder. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on essaie de procéder à partir de ce qu'on connaît de la vie d'ici pour faire des prédictions sur ce qu'on s'attend de trouver de la vie ailleurs. Donc, c'est faire un peu une gageure que la vie ailleurs va avoir des ressemblances à celle d'ici, au moins qu'on pourra mener des expériences ou faire des tests qui vont permettre de reconnaître des formes de vie analogues à celles qu'on a ici. Donc, vie végétale, qui est la plus simple, ou vie microbienne, si on parle, par exemple, d'explorer les sols de Mars, comme on le fait depuis quand même un certain nombre de décennies, et où on n'a encore absolument rien trouvé. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, ça veut dire, si on prend comme modèle la vie sur Terre, est-ce qu'il ne faut pas commencer par définir ce que c'est que la vie telle qu'on la connaît? Bon, c'est sûr, dans tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, se pose le problème de la définition. Est-ce qu'il existe une définition universelle de la vie? Mm-hmm. Est-ce qu'il existe un certain nombre d'attributs à ce qu'on appelle de la vie? Et ça, je pense qu'avant de chercher de la vie ailleurs, ce serait très utile de partir d'ici avec une définition minimale de ce qu'est la vie si on veut avoir des chances de la reconnaître. Puisque la biologie nous dit que c'est très probable que la vie ailleurs a des formes très différentes d'ici. Donc, on aura déjà le problème de reconnaître que ce qu'on trouve ailleurs, c'est vivant. Mm-hmm. Voyons, on a déjà le problème même sur Terre. On ne s'entend pas à savoir est-ce qu'on doit inclure les virus dans le vivant ou non. C'est vrai. Donc, si on trouve des formes de vie ailleurs qui sont totalement différentes des nôtres, c'est ce à quoi on s'attend, est-ce qu'on va d'abord pouvoir reconnaître? Et pour ça, il faut avoir une définition des attributs universels. Et non pas seulement des attributs de la vie sur Terre. Mmh. Alors, c'est quoi ces attributs universels? Quelle belle question! On ne s'entend pas là-dessus. Alors, les attributs minimums, moi j'aime bien citer un auteur britannique, John Maynard Smith, qui lui, pour lui, ce qui constitue les trois ou quatre attributs minimums de la vie qu'on s'attend de trouver partout, c'est la multiplication, c'est-à-dire des objets qui sont capables de se multiplier. Mmh. Vous voyez, je les appelle des objets pour le moment. Deuxièmement, l'hérédité, c'est-à-dire qu'un objet qui se multiplie donne, si on veut, naissance à des objets semblables à lui. Et ensuite, la diversité. Donc, un certain nombre de, il y a une diversité dans ces objets. Et on comprend que, aussitôt qu'il y a des objets capables de se multiplier avec une certaine hérédité et qui produisent la diversité, on a déjà de la sélection naturelle. Mm-hmm. Donc, on s'attend à ce que la vie partout soit gérée par la sélection naturelle. Donc, on aurait deux façons de reconnaître la vie ailleurs, selon ces critères. D'abord, en observant les objets, est-ce qu'ils possèdent ces caractéristiques, ces trois caractéristiques? Et deuxièmement, est-ce que ces objets évoluent par sélection naturelle ou sont adaptés à leur milieu par sélection naturelle? Mm-hmm. Donc, tout ça, c'est beau en théorie, là, mais une fois qu'on aura l'objet dans les mains, ça ne sera pas évident. Oui, parce que de voir d'un objet s'il est capable de se reproduire par lui-même, c'est pas forcément évident si on voit pas qu'il y a de multiples copies à côté de lui. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, une fois qu'on aura observé quelque chose ailleurs ou une manifestation ailleurs sur une autre planète qui semble être vivant, est-ce qu'on reconnaîtra tout de suite que c'est vivant ou s'il faudra des années d'études avant de conclure que c'est vivant? Mm-hmm. Encore une fois, je reviens à l'exemple des virus. On s'entend pas à savoir si les virus sont vivants ou non. Et ailleurs, ça va être encore beaucoup plus difficile. Mm-hmm. Et je pense qu'une des choses, c'est le point de l'inconnu possible, est intéressant. En suivant ce que Cyril vient de dire, une des choses, moi, qui me frappe toujours comme non-biologiste, c'est qu'on ait découvert un des grands royaumes, ou je sais pas comment l'appeler, de vie, seulement dans les années 70, le domaine qu'on a appelé le domaine des archées, qui est colossal en termes de biomasse, qui existe dans des environnements qu'on qualifie d'extrémophiles, et qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, Et la question, je me dis toujours, et quand je vois les programmes de recherche pour trouver, parlons du système solaire, parce que c'est le plus proche, c'est le plus facile à explorer de façon directe, c'est d'autant plus intéressant. Et gardons pour l'exploration des autres planètes loin de nous un peu plus tard. Et moi, je me mets toujours la question, est-ce qu'on pose pas une question trop simple quand on recherche la vie, même sur Mars, c'est-à-dire la question qu'on se poserait, par exemple, toute naïve, c'est est-ce qu'il y a des chameaux sur Mars? Donc, c'est certain qu'il n'y a pas de chameaux sur Mars, mais est-ce que notre approche n'est pas un peu comme chercher des chameaux sur Mars alors que il faut essayer d'être à l'affût et de mettre au point des expériences qui peuvent trouver des formes de vie assez semblables à la Terre? En tout cas, ce serait microbien. Il est certain qu'on ne trouvera pas de gros animaux. Mm-hmm. Il y aurait eu des évidences qu'on aurait déjà découvertes sur Mars ou même dans les océans possibles qu'il y a sur les satellites de Jupiter, qui est un autre univers aussi auquel on peut revenir. Mais moi, comme astronome, et quand on voit la diversité qu'il y a dans l'univers comme milieu astral, il y a des possibilités absolument extrêmes si on extrapole à partir de la Terre. Et les chances sont que la vie existe en quantité énorme, en nombre énorme, sous des formes qui nous sont difficiles à reconnaître ou même pratiquement impossibles à reconnaître. Oui, en fait, c'est le grand défi, tu as tout à fait raison, c'est le grand défi auquel on fait face, c'est que soit on part de simplement de l'imaginaire pour essayer d'imaginer ce qu'est la vie ailleurs, soit on part du seul exemple qu'on connaît, la vie sur Terre. On n'a pas le choix de commencer par ça. Ben, c'est beaucoup mieux que de partir simplement de la fiction et de l'imaginaire. Mm-hmm. Mais c'est un piège en même temps. C'est-à-dire qu'il faut partir de cet exemple-là. Il faut partir de cet exemple-là, mais il faut comme lui tourner le dos aussitôt qu'on est parti, pour pas être obnubilé, pour pas être ébloui par cet exemple, seul exemple qu'on connaît, et conclure qu'ailleurs, il y a des, comme tu dis, c'est sûr qu'il n'y a pas de chameau, mais est-ce qu'il y a des animaux? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle les animaux? Est-ce qu'il y a des plantes? Ou est-ce qu'il y a un autre règne, un autre genre d'organisme vivant qui n'a rien à voir avec les animaux ou avec les plantes ou avec les virus ou avec quoi que ce soit? Donc, on est comme obligé de partir scientifiquement de ce seul exemple qu'on connaît, mais faire des prédictions sur ce qu'on trouve ailleurs à partir de cet exemple, c'est un piège. Mm-hmm. Le cas terrestre en lui-même, là, et oublions les conditions de vie maintenant. La vie existe sur Terre maintenant. On a des évidences d'existence de vie sur Terre depuis que la vie a commencé il y a des milliards d'années. Mm-hmm. Quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre. En fait, une phase qui correspond à la fin du grand bombardement. Mm-hmm. Où il y a eu des chutes de météorites en très grand nombre. Et c'est drôle que les évidences de vie paraissent presque immédiatement. On pourrait dire c'est parce que le milieu est devenu favorable, ou d'autres pourraient dire c'est que la vie est arrivée d'ailleurs. Donc, c'est une question intéressante. Mais la vie est quelque chose de formidable, et Cyril est peut-être celui qui peut en parler plus à fond, c'est que la vie a existé sur Terre dès que des conditions l'ont rendu possible. Et c'était des conditions difficiles. Très haute chaleur, volcanisme, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. La vie a évolué dans ce milieu, a même modifié le milieu terrestre comme tel. Ben, je pense qu'on va faire une petite pause musicale pour commencer à se reposer un peu les neurones. Et justement, on va partir, après la pause musicale, on va partir de cette période-là. Quelles sont les conditions qui étaient propices à la vie sur Terre pour l'émergence de la vie? Donc, on fait une petite pause musicale sur CKRL et on vous revient dans quelques instants sur les débuts de la vie sur Terre. Vous écoutez CKRL au 89.1, vous êtes bien sûr sur Futur Simple, et on vient de voir que ce qui caractérise la vie, c'est bon, la capacité de reproduction, d'évolution, mais comment ces phénomènes peuvent-ils se développer? Quels sont les ingrédients, les conditions propices au développement de la vie? Alors, on va évidemment se baser sur le seul cas qu'on connaît, celui de la Terre. Donc, tout d'abord, est-ce que la vie, en fait, la première question qu'on peut se poser, même, et que certains se posent parfois, est-ce que la vie a réellement émergé sur Terre, ou est-ce que la Terre aurait été ensemencée, comme on l'entend parfois? Donc, gardons cette possibilité. On ne fait que reporter le problème ailleurs. Donc, ça ne répond pas à la question. C'est que ça. La vie, qu'elle vienne d'ailleurs. Si je peux me permettre, c'est même beaucoup pire, parce que si on veut essayer d'expliquer l'origine de la vie en observant la vie sur Terre, en supposant qu'elle a émergé sur Terre, ben on l'a devant nous, c'est relativement facile. Si on suppose qu'elle a émergé ailleurs, au lieu d'avoir un seul problème, on en a trois. La vie est très très loin, donc on ne sait pas où et comment à quel moment elle aurait pu émerger. Ensuite, il faudrait expliquer deuxièmement comment la vie qui aurait émergé ailleurs aurait voyagé jusqu'ici sans périr. Et troisièmement, comment la vie qui vient d'ailleurs aurait trouvé des conditions favorables ici. Donc, au lieu de trois problèmes, on aime mieux en garder seulement un. Donc, imaginons que la vie a émergé sur Terre, c'est beaucoup plus simple. Alors, quelles étaient les conditions sur Terre pour que la vie émerge? Quels étaient les ingrédients nécessaires au développement de la vie, l'eau, les molécules organiques, les sources d'énergie? La température. Pour avoir ce qui est le milieu essentiel au développement de la vie, c'est l'eau, qui a des propriétés extraordinaires comme solvant, et c'est-à-dire de permettre aux différentes molécules d'échanger, d'être transportées, par exemple dans la cellule, et dans la cellule d'aller chercher des ingrédients nutritifs. Ailleurs, l'eau est une composante absolument essentielle. Et je dis température au début parce que c'est l'eau liquide qui est importante pour être un acteur comme tel. Donc, il fallait que la Terre, ou notre planète comme telle, soit dans ce qu'on appelle la zone habitable, dans une zone qui est pas trop proche du Soleil et qui n'est pas trop loin. Trop proche, tout s'évapore. Et on peut revenir à ça parce que l'eau a été perdue initialement dans la région proche du Soleil. Et si on est trop loin, En général, dans les conditions normales, l'eau va exister sous forme de glace, sauf que des conditions spéciales comme les lunes de Jupiter et de Saturne, qui, pour des raisons spéciales, abritent beaucoup d'eau sous des épaisseurs de centaines de kilomètres de glace. Mais la Terre était dans cette fameuse zone dite habitable où l'eau existe à l'état liquide, entre guillemets, c'est-à-dire une température qui va être stable, dû à la nature de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et aussi, le Soleil est une étoile qui est en régime de stabilité. Le Soleil n'augmente de luminosité et par conséquence, la température sur Terre n'augmente que de quelques pourcents par milliard d'années. Donc, on est dans un milieu qui, à ce niveau-là, qui est très favorable. L'eau, sous forme liquide, c'est une base. Et si l'eau est un élément primordial au développement de la vie, alors on peut se poser la question, d'où vient cette eau? Est-ce qu'elle vient de la Terre? Ou... L'eau, c'est tout un sujet en soi. L'eau qu'on a sur Terre, elle vient du milieu interstellaire. L'eau a été formée par des petites glaces sur des petits grains dans le nuage pré-solaire qui a donné ce qu'on appelle la nébuleuse proto-solaire. Et l'eau a été stockée là sous forme de glace initialement. Et lorsque le système solaire s'est formé, proche du Soleil, ces glaces sont en fait sublimées, évaporées proche du Soleil, jusqu'à une certaine distance où il faisait assez froid, qui correspond à peu près à la ceinture des astéroïdes et beaucoup plus loin. Donc l'eau en fait a été perdue dans les conditions initiales de la Terre et l'eau a été acquise à peu près, justement, quand j'en parlais tantôt, dans le grand bombardement, par une chute considérable et continuelle de météorites qui sont venues d'une périphérie un peu plus loin où c'était sous forme de glace et qui ont tombé sur Terre par des échanges de positions de planètes comme Saturne et Jupiter dans le jeune système solaire. Donc, l'eau a été acquise, mais d'origine, l'eau qu'on a sur Terre, c'est une des choses, des constituants les plus vieux qu'on puisse connaître. Quand vous buvez votre verre d'eau, vous buvez quelque chose qui a à peu près 5 milliards d'années. Puis donc, c'est de l'eau qui vient des astéroïdes au-delà de... Ah oui, mais qui était stockée. Mais à l'origine, l'eau a été formée par des processus physico-chimiques dans les grands nuages entre les étoiles. Et à part l'eau, là, on a dit de l'eau, bon, c'est essentiel comme solvant, etc. Mais il n'y a pas juste l'eau pour faire la vie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme élément? Bien, si on se fie encore une fois à la vie qu'on a ici, c'est le seul échantillon dont qu'on possède, il faut du carbone. Il faut beaucoup de carbone. C'est un atome qui est capable de former des liens stables et complexes, donc qui permettent de former des molécules plus complexes. Mais j'ajouterais tout de suite que l'eau est simplement une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante. Donc l'émergence de la vie sur Terre a donc connu une première bonne étoile, si on veut, cette pluie qui est venue d'ailleurs puis qui a humidifié la Terre. Et le carbone, c'est la même chose. On connaît dans le milieu interplanétaire, si on veut, une grande quantité de molécules carbonées, donc fondées sur le carbone, qui viennent d'ailleurs. Mais étant donné l'eau, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de la vie. Étant donné des molécules carbonées simples, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir former des molécules complexes. Étant donné les molécules complexes, ça ne veut pas dire qu'il y aura nécessairement de la vie. Donc, à chaque fois, il y a des processus qui auraient pu ne pas donner de suite. Donc, il y a un grand élément de chance, si on veut, ou de conditions de chance, favorables. De chance, puisqu'on est chanceux d'être là. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. Donc, pour continuer, l'autre chose, l'eau est une composante de l'eau qui est aussi importante dans plusieurs des molécules dont Cyril parle, c'est aussi l'hydrogène. Donc, donc une question qu'on peut se poser, et surtout quand on regarde le reste de l'univers, est-ce que, justement, ça peut poser un problème que le carbone, qu'il n'y en ait pas assez, ou l'oxygène qui est aussi très important pour l'eau et aussi l'azote qui est aussi important. Et si on regarde la filière des éléments un petit peu secondaires qui sont juste en dessous, le silicium, le phosphore et le soufre, qui rentrent aussi dans des nutritifs et tout, etc. D'un point de vue d'astronome, ce que je peux dire, moi, c'est que du carbone, de l'oxygène et de l'azote, il y en a plein d'univers. Après l'hydrogène et l'hélium qu'on va mettre de côté, l'hélium c'est un gaz noble, inerte, les éléments les plus abondants dans l'univers que vous regardiez même dans l'univers le plus lointain qui vous fait remonter aux premières centaines de millions d'années après le Big Bang, vous avez déjà plein de carbone. Mm-hmm. Vous avez déjà beaucoup d'azote. Vous avez déjà beaucoup d'oxygène. Et vous avez même, on observe, des quantités d'eau surprenantes. Mm-hmm. Donc, les conditions physiques, physico-chimiques, d'un point de vue astrophysique, elles sont mises en place relativement rapidement, le matériel de base. Mais ça veut pas dire encore que vous allez avoir la vie automatiquement dès que vous faites cette combinaison. Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus? Et j'ajouterais que si c'est une coïncidence, c'est une heureuse coïncidence. Le fait que les éléments parmi les plus abondants dans l'ordre qu'on trouve partout dans l'univers, c'est l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. Et c'est pas un hasard si dans les organismes vivants qu'on connaît sur Terre, ces quatre éléments-là sont aussi les plus abondants, les plus importants. Et aussi, chimiquement, c'est eux qui sont les plus actifs. Le carbone est absolument extraordinaire parce que lui, il veut toujours quatre électrons, puis il va aller chercher, par exemple, quatre hydrogènes, il va faire du méthane. Mm-hmm. Et le carbone a toutes sortes de propriétés et il va faire des liens solides. C'est ça qui est important. Ce qui ne sera pas le cas de la filière de la ligne suivante dans le tableau de Mendeleïev, comme le silicium et tout. Donc, on n'a pas besoin de se creuser la tête. Le carbone, c'est l'azote, l'oxygène et tout. C'est la bonne ligne dans le tableau périodique pour faire de la vie ailleurs, comme ces éléments sont dominants dans la vie terrestre. Donc, je pense qu'on peut affirmer que si on trouvait de la vie ailleurs qui n'était pas fondée sur le carbone et sur de l'eau liquide, il faudrait qu'il y ait une pénurie de carbone et d'eau ailleurs, ce qui est peu probable. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas, justement, donc tous les éléments sont là, mais il faut quand même qu'ils se mettent ensemble, que les bonnes réactions se fassent. Est-ce qu'il ne faut pas une source d'énergie, quelque chose? Si on est au confin du système solaire, est-ce qu'il ne va pas faire trop froid pour que... Oui, bien si on est trop loin, encore une fois, on n'a même pas d'eau liquide. Donc si on se fie à l'exemple qu'on connaît ici, donc il faut un minimum d'énergie. Très probablement que sur d'autres planètes comme ici, cette énergie vient de l'étoile, du soleil ou d'une autre étoile. Donc l'énergie est comme indispensable. C'est encore une condition nécessaire, mais pas suffisante, comme l'eau et le carbone. Et l'énergie peut être non seulement sous forme de lumière, mais aussi sous forme de chaleur. Et on a les fumerolles, par exemple, qui sont dans des endroits où il fait extrêmement noir dans le fond des océans. Disons que présence de vie qui a d'autres façons de trouver son énergie et il y a des vies microbiennes qui existent non seulement dans le fond des mers mais quand on fore le fond des mers jusqu'à disons 1,5 km, on trouve de ces archées qui sont très actives, donc des formes de vie qui ont des façons de tirer l'énergie, non pas de la lumière mais de la chaleur environnante. Et pourtant il doit faire très froid en bas de ça. Non, quand on descend vers l'intérieur de la Terre, il fait plutôt chaud. Tu peux demander aux mineurs. On dirait quand même qu'il y a une succession de hasards et que le hasard, comme par hasard, a bien fait les choses pour que la vie se mette en place sur Terre. Rapidement, en plus. Mais est-ce que ça peut pas conduire aussi à l'idée qu'il y a une force supérieure derrière tout ça? Oui, on peut y croire si on veut, mais là, on sort de la science. Ça n'explique rien. Mais il n'y a pas besoin de cette... Non. C'est ça. En fait, c'est un principe... qu'on appelle le principe anthropique. Le principe anthropique fort dit que les conditions dans l'univers ont été mises en place par quelque chose ou par quelqu'un pour faire en sorte que nous puissions exister un jour. Alors que la science ou l'argument scientifique sceptique contraire, c'est de dire simplement, bien, si ces conditions-là n'avaient pas existé, on ne serait pas là pour en parler. Mm-hmm. Donc, c'est simplement des conditions nécessaires qui, par chance, dans notre coin de la galaxie ou dans notre univers même, se sont mises en place dans le bon ordre pour que la vie émerge éventuellement. Donc, il n'y a personne qui a planifié, il n'y a pas de projet dans la nature, mais l'effet est le même, la condition, le résultat est le même. Et ensuite, une fois que la vie est apparue sur Terre, il y a eu toute une succession aussi de hasards, peut-être, ou de phénomènes qui ont conduit à la diversification de la vie sur Terre, dont l'espèce humaine. Dont l'espèce humaine et le castor et l'érable à sucre et toutes les autres espèces. Voilà. Et des quantités phénoménales de bactéries encore plus complexes. Qui vivent 2000 mètres sous le fond des mers. Plutôt arqués, là. Mais en fait, ce qui est l'autre chose qu'il faut aussi, et je pense que Cyril pourrait commenter là-dessus, moi, qui me fascine, c'est... le temps que ça prend. Donc, il y a deux choses qui en fait, où Darwin m'impressionne beaucoup quand je le lis, c'est que Darwin, lui, Le temps fait bien les choses, mais il faut l'avoir ce temps. Et aussi, il faut avoir de grands nombres, des grands mm-hmm. nombres de choses. Donc, il doit avoir eu, dans ce qu'on appelle les changements des organismes, des quantités d'essais infructueux absolument colossaux. Mais il y avait tellement... Les océans étaient grands. Mm-hmm. Et d'ailleurs, la vie est restée dans les océans pendant des milliards d'années. Et elle n'a émergé que je me souviens pas, peut-être de l'époque de l'Ordovicien, à peu près il y a 400 millions d'années. Donc, c'est tout récent, en fait, là, qu'il y a des choses qui grouillent sur la surface des continents. Là, je pense qu'on rentre dans le domaine de l'évolution. Oui, c'est ça. C'est sûr que... Donc, on dit que ça prend de l'énergie, ça prend de l'eau liquide, ça prend du carbone et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a personne qui mène c'est pas efficace, là. L'évolution par sélection naturelle, c'est très inefficace. C'est très gaspilleur. Ça prend énormément de temps. Mais si on lui donne du temps, ça finit par produire des choses remarquables. Donc, on s'attend à ce que partout ailleurs où il y aurait de la vie, ça va avoir pris du temps. Si on pense sur Terre, par exemple, il y a au moins 80 % de l'histoire de la vie sur Terre qui s'est déroulée simplement sous forme d'organismes unicellulaires microscopiques dans l'eau. Donc, s'il y a des extraterrestres qui étaient venus ici il y a 4 milliards d'années, ils auraient vu, ou 3 milliards d'années, ils auraient vu seulement des bactéries et des archées. Il y a 2 milliards d'années, ils auraient vu encore des bactéries. Il y a 1 milliard d'années, ils auraient vu encore seulement des bactéries. Ils auraient fini par conclure qu'il n'y aurait jamais rien d'intéressant sur cette planète-ci. Il n'y aura pas de diversité. Ils n'auraient pas pu prédire que dans quelques millions d'années supplémentaires, on aurait vu apparaître... Explosion de formes de vie. On aurait vu apparaître des huîtres et des truites et des éléphants et les chameaux dont on parlait tantôt. Mm-hmm. D'accord. Donc, sur Terre, l'évolution a aussi conduit, donc, comme on le disait tout à l'heure, à une diversité d'habitats, de formes de vie. Puis, il y a les ours polaires, les tulipes, les truffes, les champignons, qui nous sont familiers. Puis, il y a aussi tous les extrémophiles qui vivent dans des conditions inimaginables. On en a parlé avec les archées qui vivent 2000 mètres sous le sol, plancher océanique. Mais il y en a d'autres. Il y en a toutes sortes qui vivent dans des conditions incroyables. Dans des conditions, il y a 20 ans ou 25 ans, on n'aurait jamais imaginé que la vie puisse vivre dans des conditions de si haute température ou si basse température ou des conditions de radioactivité ou des conditions aussi, de pression, oui, dans etc. Des sources chaudes, dans des sources de pétrole. Dans des milieux hyper salins qui sont mortels pour la plupart des organismes qu'on connaît normalement. Donc, les capacités de la vie à survivre dans des conditions extrêmes sont beaucoup plus grandes qu'on le pensait, ce qui nous donne une leçon sur les endroits où on va vouloir chercher de la vie ailleurs. On ne cherchera pas juste en surface, on ne cherchera pas juste où il y a de l'eau liquide évidente. On pourra en trouver dans toutes sortes d'autres conditions. On ne cherchera pas juste des chameaux, autrement dit. Exactement. Et d'ailleurs, sur Mars, je crois qu'on est assez à l'affût des formes de vie simples, mais relativement complexes du point de vue microbien qu'on a sur Terre, que les expériences d'essayer de détecter des formes de vie sur Mars sont de plus en plus sophistiquées. Et généralement, on essaie aussi d'aller, parce qu'on le sait probablement qu'une vie comme sur Mars, s'il y en a, elle sera sous la surface pour toutes sortes de raisons. On va aller explorer cette surface martienne et autres un peu tout à l'heure après la publicité. Là, c'est l'heure de la publicité sur CKRL au 89.1, mais restez avec nous. Au retour, on explore l'univers à la recherche des ingrédients de la vie. Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et pour ceux qui se joignent tout juste à nous, sachez que nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale sur le thème de la vie dans l'univers avec les points de vue de l'astrophysicien Jean-René Roy, professeur associé à l'Université Laval, et le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite à l'Université Laval. Rebonjour Jean-René et Cyril. Bonjour. Bonne fin d'après-midi, oui. Alors on en était à cette question des ingrédients, de comment la vie avait pu émerger sur Terre avec la présence de carbone, de l'élément eau qui est indispensable, d'oxygène. Mais on a l'impression qu'il y a ensuite toute une suite d'accidents un petit peu aléatoires qui ont permis l'émergence de la vie et, avec l'évolution, l'émergence de toutes sortes de formes de vie. Oui, c'est ça. Mais si on met de côté pour le moment l'idée que il y aurait un projet et que tous ces événements auraient été planifiés par quelqu'un ou quelque chose, qui n'est pas une notion scientifique du tout, la notion la plus importante pour comprendre comment ça a pu se mettre en place malgré tout par soi-même sans projet, c'est la notion de contingence. Qui veut dire? La contingence, c'est un peu un mélange de hasard et d'histoire. C'est du hasard qui survient, qui vient de nulle part, qui est sans raison, qui vient influencer une trajectoire historique et la faire changer de direction. Mm-hmm. Alors, par exemple, c'est la contingence qui explique pourquoi il n'y a pas deux grains de sable identiques. C'est quand même quelque chose. Il n'y a pas deux grains de sable parfaitement identiques. C'est vrai. Il n'y a pas deux galaxies parfaitement identiques. Il n'y a pas deux planètes parfaitement identiques. Il n'y a pas deux humains parfaitement identiques. Pourquoi? La réponse, c'est la contingence. C'est la contingence qui explique la grande diversité. Donc, il n'y a pas de... Autrement dit, tout ce qui arrive, tout ce qui est le produit d'une histoire, c'est-à-dire à peu près tout ce qui existe, autrement dit, les seules choses qui ne seraient pas le produit d'une histoire, ce seraient les choses qui auraient été créées instantanément. Tout ce qui est produit par l'histoire est influencé tout du long de son histoire, à tout moment, par la contingence, par ce hasard qui vient de nulle part et sans raison, puis qui influence le reste de la trajectoire. Donc, c'est la contingence qui explique, entre autres, pourquoi l'évolution... ici, imprévisible. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas prédire? On a des théories qui nous permettent bien d'expliquer le présent et le passé, mais pour prédire le futur, les théories d'évolution sont tout à fait nulles. Mm-hmm. Donc, ça explique pourquoi l'évolution est imprévisible et ça explique pourquoi l'évolution produit autant de diversité, que ce soit les grains de sable, encore une fois, ou que ce soit les espèces. Est-ce qu'on peut donner comme exemple, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais est-ce que, par exemple, la chute des météorites sur Terre qui a conduit à la disparition des dinosaures et donc à l'émergence des mammifères, est-ce que c'est un de ces hasards qui a orienté le développement de la vie vers une direction et pas une autre? C'est un de ces hasards. J'aime et j'aime pas en même temps cet exemple-là, parce que c'est un exemple tellement spectaculaire que ça donne l'impression que la contingence, c'est rare, alors que la contingence agit dans le quotidien. Mm-hmm. Mais c'est un fait que si cette météorite n'était pas tombée, si on se fie à la connaissance qu'on a présentement, les dinosaures ne seraient pas disparus. Et comme les mammifères existaient depuis aussi longtemps que les dinosaures, les mammifères étaient là depuis 150 millions d'années et existaient sous forme de musaraignes ou de petits rongeurs, ils seraient probablement restés là et nous, on n'aurait jamais émergé. Donc, notre émergence doit beaucoup à cet accident qui n'avait rien de prévu. Ça vient de nulle part, littéralement. Là. C'est une astéroïde qui vient de quelque part, de nulle part, et qui arrive sur Terre, et qui change complètement le cours de l'histoire. Sauf qu'on aurait pu imaginer que les dinosaures, certains individus de ce groupe, développent une intelligence. J'aime et j'aime pas cette idée-là en même temps, parce que c'est une idée qui donne l'impression, qui sous-entend que l'émergence de l'intelligence comme la nôtre était inévitable. Je suis d'accord. Donc, une idée qui dit, si on trouve la vie ailleurs intelligente, ça va ressembler à la nôtre. Pas du tout. Ouais. L'intelligence comme la nôtre aurait très bien pu ne jamais émerger. Il ne suffit pas d'avoir des animaux pour qu'il émerge des mammifères. Il ne suffit pas d'avoir des mammifères pour qu'il émerge des primates. Il ne suffit pas d'avoir des primates pour qu'il émerge un humain. Puis il ne suffit pas qu'il y ait des humains pour qu'il émerge des francophones. Puis il ne suffit pas qu'il y ait des francophones pour qu'il émerge chez KRL. Ouais. Tout ça est accidentel. Ouais. Donc, tout ça est le produit de cause. Tout est déterminé, mais rien n'est prédéterminé. Tout est accidentel. On n'aime pas beaucoup cette idée-là quand elle s'applique à nous. L'idée qui voudrait que notre espèce aurait très bien pu ne jamais exister. À un accident près, notre espèce n'aurait jamais existé. Donc, d'un point de vue, c'est intéressant parce que d'un point de vue astronomique, c'est évident que cet aspect de contingence, il est partout. Les meilleures hypothèses de la formation du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années, c'est qu'il y a environ 4 milliards 600 millions d'années, il y a eu une supernova, donc une étoile massive qui a explosé et qui a finalement comme ébranlé, entre guillemets, déstabilisé un grand nuage de gaz qui existait depuis quelques centaines de millions d'années, où se formaient des glaces, où se formaient différentes molécules assez complexes jusqu'à des acides aminés. Et cette explosion-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que cet nuage-là a été comme compressé par l'onde de choc et le nuage s'est effondré sur lui-même, sous l'action des forces gravitationnelles, pour mener en quelques dizaines de millions d'années à la formation d'un groupe d'étoiles, peut-être une centaine, même des milliers, qu'on pense, dont faisait partie du Soleil, qui ont fermé cette espèce d'amas d'étoiles. Et une de ces étoiles, c'est le Soleil. Il y en a d'autres dans la famille tout ça s'est dispersé, est en révolution autour de la galaxie. On ne sait pas ce qui se passe sur les autres. Mm-hmm. Ils ont eu leur facteur de contingence qui fait évoluer ces étoiles et leur système de planètes d'une façon probablement plus ou moins semblable, probablement très différente de la nôtre. Et même nous, simplement comment les planètes, comment le nuage qui de poussière et de gaz qui est associé à notre étoile, comment il s'est condensé pour former cet ensemble de planètes, comment qu'est-ce qui a fait que la Terre soit positionnée zone. À peu près ouais. dans la bonne zone où la température déterminée essentiellement par la luminosité solaire a été relativement stable pendant des milliards d'années. Tout ça, ce sont des aspects aléatoires. Mm-hmm. Donc, ce qui arrive quand même, l'aspect intéressant là-dedans, c'est qu'on peut imaginer que tout ça se fait, c'est comme si on brassait la cagnotte pour faire rouler des dés. Ben, il y a toutes sortes de configurations possibles et on a eu cette configuration et ici, c'est arrivé. Mm-hmm. Possiblement parce que dans la Voie lactée, qui a probablement que 100 milliards d'étoiles, il y a probablement au moins l'équivalent de planètes, donc 100 milliards mm-hmm. de planètes, toutes avec leurs différences. Et il y a 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Donc, on en a des combinaisons possibles et par hasard et tout, il y a toutes sortes de choses qui ont dû pouvoir arriver, comme c'est arrivé ici sur mm-hmm. Terre. Donc, on peut imaginer avec raison que ça, c'est qu'une autre histoire, qu'un autre chemin s'est déroulé ouais. ailleurs. Et si on explorait maintenant le système solaire, bon, on en a parlé un peu Mars, mais aussi tous les satellites de Jupiter, Saturne, pour voir quels seraient s'il y aurait des endroits qui seraient propices, qui pourraient contenir de l'eau, du carbone, de l'hydrogène, et s'il y aurait des conditions propices au développement d'une forme de vie. Donc, on peut éliminer... Jupiter, des grandes planètes qui sont surtout gazeuses, composées essentiellement d'hydrogène et d'hélium, avec une teneur très faible en éléments plus lourds, mais en fait, ce sont des corps gazeux et peut-être un intérieur liquide. Les endroits les plus favorables sur lesquels on spécule de possibilités, en tout cas d'un milieu favorable à la vie, ce sont certaines lunes autour de Jupiter et de Saturne, des lunes comme autour de Jupiter comme Europe et Ganymède, dans les plus grosses lunes, qui sont plus grosses que la Lune, et là où on a beaucoup d'évidence que l'intérieur contient beaucoup d'eau. Donc, il y a un noyau solide et mm-hmm. ensuite recouvert d'océans qui ont des centaines de kilomètres d'épaisseur. Donc, les quantités d'eau sur ces petites lunes, entre guillemets, sont de beaucoup plus considérables mm-hmm. que l'eau sur Terre, parce que la Terre a très, très peu d'eau. La Terre est une planète aride. En comparaison, ces lunes sont riches en eau. La seule chose, c'est que, et une bonne chose, possiblement, sont recouvertes d'un épais couvert de glace, des glaces qui auraient une épaisseur qu'on évalue à l'heure actuelle à quelques centaines de kilomètres. Mais en dessous, il y a de l'eau liquide. Il y a de l'eau liquide, une eau qui est probablement très saline, donc c'est un milieu, c'est presque de saumure, et je ne sais pas comment la vie peut évoluer dans ce genre de milieu. On aurait peut-être des surprises, mais ce sont les endroits les plus prometteurs au-delà de Mars. Mm-hmm. Prometteurs, mais en même temps difficiles à explorer. Même à partir d'ici. Oui, mais... Sur plusieurs centaines de kilomètres de glace. Sauf que s'il y a une vie, est-ce qu'il ne serait pas possible que cette vie percole à travers les glaces? Et d'ailleurs, une des évidences qu'on a qu'il y a de l'eau, mm-hmm. c'est qu'il y a du cryovolcanisme. Donc, il y a des jets d'eau de glace qui viennent à partir de chauffage et de réajustement à l'intérieur de ces lunes. Donc, l'eau monte et il y aurait possiblement même de la surface, j'imagine, des oui, possibilités de trouver... Peut-être de l'eau en surface, qui au-dessus de la glace, il y a peut-être une petite couche d'eau. Uh-huh. Ouais, ou c'est tout à fait possible ou plausible ouais. qu'il y ait des traces de vie, des indices de vie, sans qu'on l'observe directement. On pourrait observer des compositions gazeuses qui seraient éjectées comme ça, puis qui nous donneraient des indices de la présence de vie en profondeur. Plus, de façon plus osée, il y a un physicien américain, Freeman Dyson, toujours un peu sauté, qui a fait l'hypothèse qu'une des façons les plus simples de déterminer s'il y avait de la vie sur ces, c'était de rechercher à l'aide des satellites la présence de poissons gelés, congelés en orbite autour de Jupiter et de Saturne. Oui, mais son idée était qu'il y a des impacts météoritiques sur ces petites lunes et d'ailleurs des impacts qui restent pas longtemps, donc il y a beaucoup d'activités. Et l'idée, ce serait que s'il y a une vie à l'intérieur, il y aurait une éjection de grandes quantités mm-hmm. d'eau et d'organismes qui auraient ouais. pu évoluer en organismes un peu plus gros. Et il faisait l'allusion à ces poissons. Mm-hmm. Donc, en fait, l'idée, je la trouve intéressante, c'est que si on peut chercher la vie, il faut pas penser la chercher juste d'une façon simple. C'est-à-dire, on peut peut-être regarder dans des environnements beaucoup plus considérable comme tel. On revient au piège que je soulignais tantôt. Il ne faut pas chercher juste ce qu'on connaît. Exactement. Puis d'ailleurs, même sur Terre, il existe peut-être... On sait que sur Terre, toutes les formes de vie qu'on connaît sont fondées sur l'ADN. Donc, quand on cherche la vie dans les océans, on cherche des échantillons d'ADN, des séquences de gènes qu'on ne connaît pas. Ouais. Mais s'il existait sur Terre des formes de vie qui ne sont pas fondées sur l'ADN, on ne pourrait pas les trouver parce qu'on cherche seulement de l'ADN. Donc, c'est la même chose sur les autres planètes. Si on cherche seulement ce qui ressemble à ce qu'on a ici, encore une fois, il faut partir de l'échantillon qu'on connaît, le seul qu'on connaît sur Terre, mais il faut lui tourner le dos. Ma simple opinion de non-connaisseur, c'est que pour moi, la vie existe dans l'univers en plusieurs copies différentes, mais elle est impossible à reconnaître pour nous. Impossible à reconnaître chaque fois, parce que sur la première planète où on va trouver de la vie, c'est certain qu'elle va être très différente de la vie d'ici. Puis sur la deuxième, elle va être très différente de la première et de celle d'ici. On ne peut pas apprendre de notre expérience. Donc, autrement dit, en termes écologiques, la vie est toujours endémique. La vie sur chaque planète est unique à cette planète. Donc, ça, c'est... Et si on ose pousser plus loin, on peut appliquer ça à une vie qu'on pourrait qualifier d'intelligente. Et là, ce sera encore plus difficile à reconnaître une vie intelligente à l'extérieur de nous, en fait. Et plus difficile de communiquer avec elle. Absolument. Et en oubliant les questions de délai de temps de communication et là, tout. Là, on est rendu assez loin, on est sorti du système solaire, donc on pourrait parler des exoplanètes, parce que là, on découvre de plus en plus d'exoplanètes. Est-ce qu'il y en a qui sont dans cette fameuse zone habitable? Est-ce qu'il y aurait des exoterres? À l'heure actuelle... Donc, c'est une révolution, entre guillemets, qui était attendue depuis très longtemps, pendant longtemps, le système solaire est unique, entre guillemets, et beaucoup d'astronomes disaient non, c'est juste qu'on n'a pas les moyens de les observer, de les détecter. Maintenant, depuis à peu près le début des années 90, on observe directement la présence de planètes. Au début, on trouvait des trucs bizarres, des grosses affaires. Des boules gazeuses. Comme Jupiter. Mais maintenant, on a différentes techniques où on peut observer des planètes beaucoup plus petites, surtout par la technique d'occultation, c'est-à-dire la planète passe devant l'étoile, ça prend à peu près une douzaine d'heures, et on voit, parce que la planète coupe la lumière, fait comme une petite éclipse, on voit l'intensité de la lumière de l'étoile diminuer avec une signature assez précise, et on sait quel est le diamètre, on sait rapidement quelle est la distance de cette planète à son étoile. Si elle a une atmosphère? Ça vient exactement, et on sait même si elle a des petits satellites ou des lunes. C'est un domaine littéralement en explosion, en ébullition, donc on est en train de construire un catalogue d'étoiles relativement proches qui ont des planètes qu'on appelle exoplanètes, et on voit un peu tout l'éventail des planètes comme celles qu'il y a dans le système solaire, avec peut-être, et on ne sait pas trop si c'est une sélection du type d'observation qu'on a, avec une dominance des planètes qui sont plutôt comme Uranus et Neptune, donc les moyennes gazeuses liquides. Mais on a plusieurs planètes qui seraient dites rocheuses, parce qu'elles sont relativement proches de leur étoile, ne peuvent pas garder leur gaz, et aussi deux dimensions comme celle de la Terre. On parle plutôt de super-Terre, mais on commence, il y a peut-être un cas d'une planète qui est de la grosseur de la Terre, et qui littéralement dans ce qu'on peut appeler la zone habitable, où l'eau peut rester liquide. Et est-ce qu'on peut détecter cette eau-là d'où ça? Non, pas encore. Mais on peut imaginer qu'assez bientôt, on pourra analyser la composition de l'atmosphère de certaines de ces planètes et détecter des signatures de vie éventuelles. Donc, à l'heure actuelle, c'est extrêmement difficile. Donc, ça prend les meilleurs télescopes. On peut... Quand un objet... qu'on dit une planète passe devant l'étoile, on peut analyser la lumière de l'étoile. Et quand la planète passe et quand la planète est finie de faire son transit, on peut faire comme des soustractions de signaux et mettre en évidence une signature spectrale qui appartient à cette petite planète. Donc, la différence qu'il y a eu quand la planète était devant et quand la planète est maintenant à côté ou derrière. Et on a obtenu certaines signatures qui indiquent la présence d'eau, la présence de CO2 et de choses comme ça. Mais on ne peut pas de là dire qu'il y a de la vie, loin de là. Et surtout si ces planètes sont jeunes, il est très probable que c'est pas le cas. Mais on arrive à ce point de pouvoir caractériser la nature des exoplanètes qu'on a commencé à découvrir il y a à peine une quinzaine d'années. Et s'il y a de la vie de la vie intelligente sur ces planètes, comme le disait tout à l'heure Cyril, on va avoir un problème pour communiquer avec eux. Mais en fait, on va avoir deux problèmes. On a le problème de la distance, comme on disait tantôt. Si la planète était à 150 années-lumière, bien, le message qu'on leur enverrait ou qui viendrait d'eux prend 150 millions d'années. Donc, le délai dans la conversation est très long. Ça peut être 300 millions d'années si la planète était à 150 millions d'années. Et il y a le problème du langage à utiliser. C'est sûr qu'on peut pas leur parler ou eux ne nous parleront pas en français, en anglais ou en chinois. Probablement pas, même pas avec des images non plus, parce que les images veulent dire des choses pour nous, mais pas pour eux. Donc, on pense que le seul langage qui pourrait être commun, ce serait des mathématiques. Et c'est ça qu'on a fait déjà en 74, je pense, à partir d'Arecibo. Exact. On a envoyé un message codé en binaire, avec seulement des 0 et des 1, des bits, et en espérant qu'eux puissent décoder. Mais ça suppose qu'ils ont le même genre de logique mathématique que nous, et qui sont capables de décoder. Donc, on a des grands problèmes pour communiquer. D'ailleurs, ce message auquel fait allusion Cyril, 99,9999% des gens sur la Terre ne pourraient pas le décoder. Donc, et le comprendre. Donc, c'est pas un départ qui est très prometteur. Puis ça suppose aussi que nos deux civilisations sont au même niveau d'évolution pour pouvoir se comprendre l'une et l'autre. Sont au même niveau de civilisation en corrigeant pour la distance. Oui. Parce que si le message est parti là-bas il y a 150 millions d'années, ou 150 000 ans... Je voudrais revenir... peut-être qu'on pourra revenir plus tard. Je parlais d'espèce de début balbutiement en astronomie de pouvoir étudier, caractériser ces exoplanètes. Et il y a des choses intéressantes qu'on pourra déduire et en fait, je vois que l'émission s'achève. Donc, il y a certaines signatures qu'on peut attribuer à la vie et que les gens commencent à utiliser pour établir quelque chose qui est la vie. Donc, d'avoir de l'eau, comme Cyril l'a dit, c'est pas suffisant. Mais il y a des signes d'activité biologique qu'on recherche, tout simple. Comme une présence soudaine, entre guillemets, d'une grande quantité de méthane dans l'atmosphère. La jeune Terre a eu son atmosphère complètement modifiée, qui était de CO2 par l'activité volcanique au tout début. Une atmosphère qui était dominée par le méthane il y a à peu près 3 milliards d'années. Et ce méthane était produit par une activité bactérienne absolument colossale. Donc, des extraterrestres qui nous auraient observés auraient dit, il se passe quelque chose de bizarre sur cette petite planète. Donc, présence de méthane. D'autres, c'est présence d'ozone qui viendrait de présence d'oxygène moléculaire, qui est pas nécessairement produit par la vie, mais la durée de beaucoup d'oxygène pendant longtemps ne peut être qu'entretenue que par une certaine présence de vie. Sauf que la vie peut exister, comme elle l'a fait pendant des milliards d'années, sans oxygène. C'est ça, ce sont des signatures de vie telles qu'on connaît la vie. Exact. On revient encore au même problème. Donc, en fait, c'est ça, un peu les derniers mots. Je pense que la vie existe dans l'univers en plusieurs endroits. Les conditions ne peuvent pas être différentes. On est dans l'univers. On est ici, on n'est pas à l'extérieur de l'univers. La vie est ici. Et Cyril y a fait allusion au début, donc il ne faut pas faire du terracentrisme ou de l'anthropocentrisme. La vie existe sûrement dans beaucoup d'endroits, mais dans des formes qui nous seront pratiquement impossibles à reconnaître. Oui, je pense qu'on peut conclure en disant que la vie intelligente est certainement très rare dans l'univers si on se fait ce qui s'est passé ici, le temps que ça a pris pour que la vie intelligente émerge, et notre plus proche voisin est très loin. Et on durera peut-être pas très longtemps. Non plus. Belle conclusion. ainsi se termine Futur Simple. C'était Valérie Levé et François Grégoire à l'animation et à la mise en onde. Merci à nos chroniqueurs, l'astrophysicien Jean-René Roy, professeur associé à l'Université Laval, et le biologiste Cyril Barrette, professeur émérite à l'Université Laval. Merci d'avoir joué le jeu de cette rencontre à la recherche de la vie dans l'univers. Futur Simple vous dit à la semaine prochaine, et si vous voulez réécouter l'émission, elle sera bientôt sur notre page Facebook. Mais dans quelques instants, restez donc sur CKRL, vous serez en compagnie de François Samuel pour Transmission Transversale.